Il y a parfois tellement de vie que je ne suis pas. C'est comme ça. Il y a souvent des petits, des grands, des gamins, des un peu moins. C'est comme ça. Il y a de temps en temps un non-dit, un incompris, un ange qui passe comme on dit. C'est comme ça. Il y a aussi les souvenirs qui traînent, les émotions qui dansent, le cœur qui balance. C'est comme ça. Et moi au milieu, je me vois agir, je me regarde de haut. Oui, je sais que j'avance comme une évidence. Et moi au milieu, je lève la tête et me vois là-haut, observer ma vie. En retour, c'est comme ça. Il y a souvent les fous rires, les bonheurs seuls ou à deux entre amis. C'est comme ça. Il y a toujours tant et tant d'amour qui tourne la page. C'est comme ça. Il y a aussi les regards, les sourires, ce qui fait vivre. C'est comme ça. Ce regard qui m'éclaire, ce sourire qui me regarde.